Lucky Star, elle donne nous Lucky Star. Oh, Lucky Star, yeah, je veux Lucky Star. Ce King Chris Carnaval, on est star. Elle donne nous Lucky Star. Oh, Lucky Star, yeah, je veux Lucky Star. Ce King Chris Carnaval, on est star. Aïe, aïe, aïe. Récupère ma quiche thérope pendant que tu pompes it up. Ya ya, dans son poule c'est la noyade. J'veux des lulus comme George Weah. Transfert quiche ta moulaga. Milano, Copenhague, Almeria. J'suis au travail, à Dubaï j'suis au travail. J'suis au travail, et même sur la lune j'fais la quiche ta. Et donnez-nous la quiche ta. Oh la quiche ta. Eh, yeah, j'veux la quiche ta. Sous le King Chris Carnaval, on est star. Sous le King Chris Carnaval, on est star.